Madame de toutes ces filles, comment elle est jolie. Laisse ma Dali, un petit mot gentil. Tu voyais de mon édi, moi c'est un fourreur du pont. Mes petites filles, ma nena des bonnes intentions. Bien Mali, oh bien Mali. Avec elle, m'y vais faire mon vie. Bien Mali, oh bien Mali. On se rappelait le pédou des maris. Madame Gato Tipi, comment elle est jolie. Laisse ma Dali, un petit mot gentil. Pas besoin de repousse à moi, mais ça moins dégage mon cœur. Et si elle y veut bien, m'a fait son bonheur. Bien Mali, oh bien Mali. Avec elle, m'y vais faire mon bif. Bien Mali, oh bien Mali. Sera poli le plus doux des maris. Madame Gatou Tifi, comment elle est jolie. Laisse ma Dali, un petit mot gentil. Jouéline a 15 enfants, il a encore un enfant. Et mi promet à où, ma Mali comme un grand. Bien Mali, oh bien Mali. Avec elle, mi bébé mon bille. Bien Mali, oh bien Mali. Sera poli le plus doux des maris. Madame Gato Tifi, comment elle est jolie. Laisse ma Dali, un petit mot gentil. Vous voyez de mon édi, moi c'est un coureur du pont. Mes petites filles, ma nena des bonnes intentions. Bien Mali, oh bien Mali. Avec elle, m'y vais faire mon vie. Bien Mali, oh bien Mali. Sera poli, le plus doux des maris. Bien Mali, oh bien Mali. Avec elle, m'y vais faire mon vie. Bien Mali, oh bien Mali. Sera poli le plus doux des maris.